Et je te gêne. Moi je te gêne, gêne, gêne. Mes amis, je les compte sur mes doigts. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Si je poste un truc insensé, tu cliques sur j'aime. Et quand j'ai vraiment besoin de toi, tu je te gêne tout le temps. Si tu as besoin de moi, tu me trouves à la maison. Mais je te cherche toujours, pourtant tu ne réponds jamais à mes invitations. Tu me disais si tu as besoin d'argent, pas de problème, demande-moi si tu me les rends. Alors pourquoi je suis toujours seul au front? Et quand je te cherche, tu m'envoies un agent. Un agent, un agent. Merci pour la prison. Pour y sortir, fallait des... de l'argent. Mes quoi. Amis, je les compte sur mes doigts. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Des vrais amis, j'ai qu'à regarder ma main. Tu y seras peut-être demain. Si je poste un truc insensé, tu cliques sur j'aime. Et quand j'ai vraiment besoin de toi, je te gêne. Moi je te gêne. Tu me disais, viens, on va boire un verre. Je me suis préparé, tu n'es pas venu, j'ai tes verres. Tu me disais, ça va, si tu veux parler, appelle-moi vers. Allô? Allô? Réponds, merde. J'ai phoné, phoné, mais rien à faire. J'avais besoin de toi, mon monde était à l'envers. On me disait qu'il existait deux types de catégories, les chers amis et les amis chers. Tu fais partie des deux, alors je pense on fait un tri. Je dois changer mes amis ou mes deux. Cependant, tu étais où quand j'étais malade? J'étais au fond de mon cœur. Je dois changer mes amis ou mes vieux. Pourtant, quand je poste un truc insensé, tu cliques sur j'aime. Et quand j'ai vraiment besoin de toi, je te gêne. Mes amis, je les compte sur mes doigts. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Des vrais amis, j'ai qu'à regarder ma main. Moi je te gêne demain. Moi je te gêne. Si tu cliques sur j'aime. Et moi je te gêne. Toi je te gêne. Moi je te gêne. Gêne, gêne, gêne. Moi je te gêne. Moi je te gêne. Gêne, gêne. Moi je te gêne. Et je te gêne. Moi je te gêne, gêne, gêne.